Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que... Hein? Non. Non, mais attends, je... Non, mais enfin, quand même. Bon, je vais voir. On me dit que des narrativistes se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'audra pas de l'idée que pendant la dernière shitstorm, de nombreux narrativistes ont eu une attitude carrément hostile à l'égard des éditeurs. Il est vrai que les éditeurs, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des narrativistes. Mais enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en typant la cellule, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pas troller sur discussion de drôlistes